je n'ai vu. Rien de bon de l'humain, rien de bon que la haine, rien de bon je n'ai vu de l'humain, en ce monde je n'ai vu rien de bon. Rien de bon de l'humain, je n'ai vu de bon. Je n'ai rien vu de bon de l'humain, de la haine que de la haine. Que de la haine. Je n'ai rien vu de bon de l'humain. Le profit. Qui se soucie de qui, chacun se soucie de soi-même, chacun se soucie de soi-même, et le malheur des uns profite aux autres. Rassure les autres. Le malheur des uns rassure les autres. Les uns profitent aux autres, rassurent les autres. Je n'ai rien vu de bon de l'humain, rien vu de bon de l'humain, non, rien de bon de l'humain, non, rien de bon. Thank you.